veux t'allumer. Faut qu'on prenne ses sangs, tout est aligné. Okay. Ouais, tu fais la moula sur le terre. Bien tourné, je saigne du nez. Ouais, tu fais la moula sur le terre. Oh, tout est en remède. Ok, t'appelles dans le pack, son nom, tout est déjà roulé. Ok, fiché dans le pack, son nom, tout est déjà roulé. Ok, ok. Oh, t'as de la chpeuve sur le nez. Bien tourné, j'ai vu consommer cocaïne. Ok, t'appelles dans le pack, son nom, tout est déjà roulé. Ok, fiché dans le pack, son nom, tout est déjà roulé. Ok, ok. Oh, t'as de la chpeuve sur le nez. Oh, oui. Mais attendez, j'ai pas de soucis.